Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de course automobile et c'est le NASCAR qui reprend en fin de semaine après la crise du COVID et ils repartent en grand, un peu comme le UFC. Ils vont faire plusieurs courses. On en parle avec notre ami Patrick Carpentier. Salut Patrick! Hey, c'est Danny. Patrick, très, évidemment très heureux de reprendre ça, le NASCAR qui recommence évidemment, donc ça va donner le ton. Mais je pense que c'est 7 courses en 11 jours. Par contre, là il y a les courses de Nationwide, anciennement Nationwide, il y a Infinity qui est là, et les courses des camionnettes également. Ça fait pas mal de courses pareilles. Là. Oui, c'est ça exactement. Écoute, c'est quasiment bon pour nous autres, parce que tu te rappelles, avant le début... de la crise du COVID-19, ADS avait laissé tomber un peu NASCAR. On faisait la série des camionnettes parce que Raphaël Lessard est impliqué dans la série. Et puis, il va toujours l'être d'ailleurs. Là, il va revenir cette semaine. Mais là, RDS ont décidé d'y aller à fond avec le NASCAR. Là. Donc, on va avoir la série de la Coupe... la Coupe NASCAR, la COP, ouais, qu'on appelle maintenant, okay, parce qu'elle n'a plus de commandite principale. Et puis, la NFC. Non, ça va changer. Ça va s'appeler juste la COP. Ils ont changé le système de commandite. Au lieu d'une grosse commandite, tu commandites la série, puis la série prend le nom de la commandite, la star. Okay. Ça va être des commandites, mettons, à chaque épreuve, tu comprends? Ils vont être des blocs de 3 épreuves, des affaires comme ça. C'est l'épreuve qui va s'appeler le nom de la commandite, mais NASCAR Cup va rester... Avant la crise, parce que là, c'est sûr que là, le sport va changer terriblement, tout le monde va en souffrir. T'as-tu décidé avant la crise, ça? Oui, c'était planifié. C'était déjà dans les projets, c'est dans cette direction-là que NASCAR a décidé de s'en aller, parce que c'était déjà difficile de trouver une grosse commandite comme à l'époque, la série Sprint, la série Winston, fait que c'est une nouvelle façon de faire du côté NASCAR, mais écoute, ils font faire des épreuves, c'est incroyable. Au début, il y avait juste le droit d'aller dans 4 États, parce que c'est les gouvernements aux États-Unis qui décident quand ils ouvrent chaque État. Puis il y avait seulement ça de Caroline du Nord, Arizona, puis Floride. Puis maintenant, ça commence vraiment à s'ouvrir là, dans les derniers jours. Là. Fait que là, on a rajouté beaucoup d'épreuves jusqu'à la fin au niveau du calendrier. Puis écoute, à ADS live tout le temps, il y en a, écoute, dans la semaine, il y en a cette semaine, il y a un dimanche à Darlington qui est de la série Cup, on va voir mardi, on va en avoir mercredi, puis la semaine prochaine il y en a une dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est live ADS, puis c'est mixé de la série de la Coupe Sprint, puis de la série Camionnette et Xfinity. Ben écoute, on a Raphaël Lessard, puis t'as Alex Labbé aussi qui va courir mardi. Ben exactement, puis c'est pour ça ils ont mis vraiment la force du côté d'Alex Labbé pour aller chercher les commandites, ainsi de suite. Puis c'est la raison pour laquelle RDS ont décidé de prendre la série Xfinity, parce qu'Alex a réussi à traverser possiblement les douanes pour aller justement courir du côté des États-Unis. Fait que c'est la raison pour laquelle qui est 13e au championnat. C'est assez phénoménal. Avec une voiture qui est quand même... Qui devrait pas être 13e, on va être honnête. C'est une équipe de Mario Gosselin. C'est encore l'équipe de Mario Gosselin, ça, qui est ça? Oui. Ben, je dirais pas une voiture qui devrait pas être 13e, parce que c'est pas fair avec Mario Gosselin, mais une équipe à budget qui devrait être 20-25e. Ah non, écoute, c'est ça. si l'équipe de Mario Gosselin, si Mario Gosselin aurait du financement, ça pourrait être ça pourrait rouler des meilleures équipes. Là. Ah oui, Mario Gosselin, je vais te dire, autant qu'Alex est un phénomène, est un excellent pilote là, au volant de la voiture. Mario Gosselin, c'est tout un phénomène au niveau de chef d'équipe. Si on parlait des pour les écuries, cette course en 11 jours, c'est plusieurs courses, est-ce que ça l'apporte son lot de problèmes? Écoute, là, les courses sont quand même assez près au niveau de la logistique. NASCAR doivent évidemment se rattraper. Écoute, c'est une situation qui est tellement complexe, mais sauf qu'ils s'échangent ça au niveau. Il y a juste Kyle Busch qui, dans les prochaines à toutes les faire, la camionnette Xfinity Cup là, pour se remettre dedans. Mais sauf que tu sais, t'as une de Cup dimanche à Darlington, puis par la suite, t'as d'autres. Attends un petit peu, là, je vais trouver ma cédule. Après, c'est la Xfinity mardi. Fait que c'est pas tout le temps la même série. Là, t'as les têtes entremêlées à travers ça. Fait que la Cup. Là, tu comprends? Fait que c'est vraiment entrelacé. Ouais, c'est sûr. Pour Raphaël Lessard, qui va courir, j'y ai parlé cette semaine, lui, il a aucune essai, il connaît pas la piste, il a même pas de qualification. Y a-t-il des qualifications? Non, je pense que non, même pas. Zéro. On va commencer. on va commencer. Ça a été pigé au hasard. Pourquoi ils font ça? Ben pour limiter, tu sais, faut pas oublier qu'on est encore en période. De crise au niveau du COVID-19. Fait qu'il n'y a pas personne qui va être là. Il n'y a pas de gens dans les estrades. Ça se fait studio, Gordon, ceux qui vont annoncer vont être en studio comme nous autres à Montréal. T'as un reporter dans la ligne des puits au lieu de 3-4. C'est vraiment au minimum. Les médias ne se. Ils ne sont pas supposés se voir. Ils vont maintenir une distance. La raison pour laquelle, justement, ils sont à Burlington, c'est que c'est pas loin de la shop. Ils n'ont pas besoin de prendre leur avion pour y aller. Tout le monde peut y aller en auto. Puis, il n'y a pas de qualif, il n'y a pas de pratique pour limiter le nombre de personnes qui vont être au circuit pendant le week-end. Fait qu'on, les premières épreuves, on arrive vraiment. Ça va être dur pour Raphaël un peu, là, parce que il y a des circuits qu'il connaît pas du tout, là. C'est d'arriver direct dans l'épreuve. Écoute, il y a même pas un tour de pratique, là. On arrive dimanche. La qualif, c'est Keselowski qui va partir sur la position de tête, là. Ça a été fait au hasard. Mais sauf que, écoute. Les simulateurs, parce que Raphaël me dit que les simulateurs et également les jeux vidéo, ça peut aider, mais jusqu'à quel point ça peut aider? Ben, ça peut aider beaucoup. Écoute, j'ai passé beaucoup de temps dans le simulateur de Ford, là. Tu sais, quand j'étais retourné à Sonoma, en Californie, puis écoute, ça m'avait vraiment donné un coup de main, là. Tu sais, ça l'aide, c'est tellement près de la réalité à cette heure que, surtout celui-là, là, c'est un simulateur, il y avait deux étages de haut, puis 150 pieds de large, là. Tu sais, c'était vraiment comme être sur le vrai circuit, là. Tu sais, le freinage, il y a une roue qui barre, tu le sens, il change les ajustements sur la voiture, t'es quoi live, c'est updaté. Après chaque week-end, quand Penske revient, le pilote décrit ce que la voiture fait, on la met vraiment près de ce que c'est. Fait que tu sais, aujourd'hui, là, c'est vraiment près. C'est pas la même chose que les simulateurs. Les gars, ils jouaient avec le high racing qu'on appelle, là. Ouais. Mais par contre, c'est quand même assez proche, mais il n'y a rien qui se compare à la réalité. Okay. Je pense que c'est des équipes qui sont réduites aussi hein, là-bas, hein? Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de qualif, pas de pratique. Ouais, okay. Donc, on a vraiment réduit au minimum. 16 personnes par écurie. Pardon? 16 personnes par écurie, ça se peut-tu le nombre? Excuse-moi. Oui, c'est ça, exactement. Il faut, faut vraiment diminuer au maximum, puis essayer de les tenir le plus distancé que c'est possible là, de ce côté-là. Okay. Mais sauf que, écoute, il essaie de repartir. C'est tout le temps une décision entre l'économie. Puis, quand tu cours aussi de même, est-ce que les équipes qui ont le plus gros budget vont sortir gagnants? Sont-ils plus avantagés? Ben ça a toujours été le cas. Que ce soit n'importe quelle situation. Ben oui, la crème la crème remonte toujours à surface, comme on dit, puis ça va toujours être le cas. Sauf que depuis le début de la saison, c'était assez intéressant de voir comment ça se passait. Tu sais, il y avait des équipes un peu moins fortunées qui étaient à l'avant. Ça va être intéressant de voir. La Camaro semblait beaucoup mieux cette année. Johnson est d'ailleurs cinquième au championnat, là, Jimmy Johnson. Ouais. Mais il y a beaucoup... je pense que ça va brouiller les cartes un peu. Tu sais, surtout qu'on part la qualif, l'arrivée, la qualif qui est inversée au hasard. Après ça, la deuxième course, on va inverser le top 20, puis on va inverser de 21 à 40. Ça devrait donner des courses assez... spectaculaire de ce côté-là, tu sais. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Écoute, Ryan Newman qui revient de son accident miraculé à Daytona, puis après ça, t'as Matt Kenseth qui remplace Kyle Larson aussi, que lui, il a pas couru depuis 18. Là, son premier tour, ça va être en course, tu sais, puis il est qualifié 12e. Patrick, si tu permets, on va faire une pause et on va faire juste parler de Sébastien Vettel et également le Grand Prix du Canada qui pourrait être annulé. Vous êtes écoute notre truc, Patrick Carpentier sur les ondes de danazosport.com. La Société Sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La Société Sylvicole est située au 245 Dequin secteur Mistassini au numéro de téléphone 418-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On est retour à danazosport.com avec Patrick Carpentier. Pat, je veux te parler de Sébastien Vettel qui a perdu son volant cette semaine. C'est Carlos Sainz qui va le remplacer chez Ferrari. As-tu été surpris? Je pense pas, hein, Vettel, depuis quelques temps, ça va aller moins bien. Hein? Oui, exactement. Écoute, c'est toujours l'histoire du sport automobile. Tu veux toujours être numéro un dans ton équipe. Si possible, puis surtout Vettel qui a été champion du monde là, à quelques reprises, fait que tu veux toujours être numéro un. Puis Vettel qui s'est passé l'an passé en allant chercher Leclerc chez Ferrari. Leclerc, écoute, il l'a dominé toute la saison là, l'an passé, au niveau des qualifs, au niveau des points, au niveau des victoires. Fait que là, quand tu tombes comme deuxième, Ferrari ne diront pas que tu tombes deuxième, mais vis-à-vis aux yeux de l'équipe, ça devient difficile. Tu es quasiment forcé à quitter. Je ne sais pas comment dire ça, parce que le respect n'est plus le même. Puis je me doutais que Vettel allait casser ou soit parti, parce que l'équipe, puis en ce moment, si je te dirais, s'il le regarde presque à dire, ben là, si on gagne pas, c'est parce que lui, il était pas assez bon. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est ingrat comme ça, puis t'es juste aussi bon que ton dernier résultat en sport automobile. Puis pour Vettel, je pense que c'était naturel de dire, bon, ben, moi, j'ai trouvé une place ailleurs. OK. Si on parlait maintenant du côté du Grand Prix du Canada, est-ce que ce serait catastrophique, étant donné que tout indique qu'il n'y aura pas, évidemment, au mois d'octobre, d'abord, je pense qu'ils viennent en Amérique vers la fin d'octobre, début novembre, avec le Mexique et les États-Unis. Donc, tu peux pas venir un Grand Prix au Canada dans ces conditions-là? Bien, écoute, tout va dépendre. On commence vraiment à réouvrir du côté des États-Unis. Nous autres, on est chanceux ici au Vermont, parce qu'il n'y a pas eu de cas. On est numéro un aux États-Unis au niveau des cas, le moins de cas, là, tu sais. Fait que de ce côté-là, on est chanceux, mais il y a des places comme New York, c'est catastrophique, mais les États-Unis vont réouvrir parce que, tu sais, c'est une balance entre l'économie, l'endettement du pays, puis la maladie aussi. Fait que c'est vraiment difficile à juger, mais ça dépend comment ça va aller en réouvrant. Est-ce que ça va, COVID-19 va revenir? NASCAR, écoute, le COVID-19 entre là-dedans, puis qu'à un moment donné, il y en a beaucoup qui l'ont, ils vont être forcés de possiblement arrêter, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de garantie. Puis la F1, je lisais dernièrement, Brown disait qu'il essayait de trouver une façon, le problème de la F1, c'est que c'est tellement international. Au niveau du NASCAR, les équipes sont basées en Caroline du Nord. Elles vont en fin de semaine en Caroline du Sud, Charlotte, Caroline du Nord. Fait que c'est pas la même situation. F1, il faut vraiment qu'ils traversent des pays, tu sais, avec des façons différentes de gérer la crise du COVID-19. Fait que, comme il dit, on va essayer de créer une biosphère. Bon, ils ont appelé ça une biosphère. Que les équipes, les pilotes, les vont vraiment être ensemble sans contacter vraiment personne. Puis ils vont être séparés en même temps, ils vont manger séparés. Chaque équipe va être ensemble. Ça, c'est possible de pas les avoir ensemble, mais ils vont être séparés l'une de l'autre. Puis ils vont voyager dans un avion, ils vont tous être dans le même avion, l'autre va être son avion. Là. Fait que ça va vraiment être séparé comme NASCAR quand ils vont ouvrir les garages. Ils vont rentrer une équipe à la fois. Ça ne rentre pas comme d'habitude puisque ça l'attend à gate. Puis c'est ça qu'il y a des procédures à suivre. Mais pour la F1, ce qui est difficile, c'est dès qu'il faut qu'ils restent dans un hôtel. Dès qu'il faut qu'ils restent dans un hôtel, ils disent que qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des hôtels complets. Fait que là, mettons, il faut aller d'un hôtel, ils vont prendre ça là au complet. Ouais. Mais t'as du personnel de l'hôtel, pareil, qui peuvent contaminer ce qu'ils appellent la biosphère ou se faire contaminer. T'sais, fait que c'est vraiment touché. Là, je vois qu'ils travaillent super fort. C'est le testing qui est la clé. Tu veux que je te dise, c'est ça qui est... faut tester. C'est ça qui est... Hein? Ben, c'est difficile, puis écoute, devenir au Canada, là, c'est un autre continent pour eux autres, pareil, tu sais. J'ai l'impression que cette année, puis je l'avais dit il y a plusieurs mois, que ça va se passer en Europe, là. À un moment donné, ça va devenir que ça sera pas un choix, puis ils vont possiblement essayer de souper une partie de la saison du côté européen, mais pour Montréal, ça va être difficile. Pat, un gros merci, on s'en parle bientôt. Hey, merci. Bon week-end.